Manu rentre chez toi, y a des larmes plein ta bière. Le bistrot va fermer, puis tu gonfles la tolière. Je croyais qu'un mec en cuir, ça pouvait pas chialer. Je pensais même que souffrir, ça pouvait pas t'arriver. J'oubliais que tes tatouages et ta lame de couteau, surtout un blindage, ton cœur d'artichaut. Déconne pas Manu, va pas te tailler les veines. Une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. On était tous maqués, quand toi t'étais tout seul. Tu disais je me fais chier, je voudrais sauver ma gueule. T'as croisé cette nana, qui était faite pour personne. T'as dit elle est pour moi, ou alors y'a mal donne. T'as été un peu vite, pour tatouer son prénom à l'endroit où palpite ton grand cœur de grand con. Déconne pas Manu, c'est à moi que tu fais de la peine. Gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. Je vais te dire on est des loups, on est fait pour vivre en bande, et surtout pas en couple, ou alors pas longtemps. Nous autres ça fait un bail qu'on a largué nos petites. Toi t'es toujours en rade avec la tienne et du flip. Et Manu, vivre libre, c'est souvent vivre seul. Ça fait peut-être mal au vide, mais c'est bon pour la gueule. Déconne pas Manu, ça sert à rien la haine. Une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. Elle est plus amoureuse, Manu, faut que tu t'arraches. Elle peut pas être heureuse dans les bras d'un apache. Quand tu lui dis je t'aime, si elle te demande du feu, si elle a la migraine dès qu'elle est dans ton pieu, dis-lui que t'es désolé, t'as dû courir le trottoir. Quand tu l'as rencontré, t'as dû tromper l'histoire. Ne déconne pas Manu, va pas te tailler les veines. Gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. Déconne pas Manu, ça sert à rien la haine. Une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. Et déconne pas Manu, c'est à moi que je fais de la peine. Déconne pas Manu, allez viens Manu.